bien 10 ans que j'étais serviteur. Quand on aime, on aime, on a bien du bonheur. Il y a bien 10 ans que j'étais serviteur. Quand on aime, on a bien du bonheur. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, ma mignonne. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, on boit. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, serviteur, quand on aime, on aime, on a bien du bonheur. Il y a bien 9 ans que j'étais serviteur. Quand on aime, on aime, on a bien du bonheur. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, ma mignonne. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, on boit. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, ma mignonne. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, on boit. J'étais serviteur, quand on aime, on aime, on a bien du bonheur. Il y a bien 8 ans que j'étais serviteur, quand on aime, on a bien du bonheur. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, ma mignonne. Quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, on boit. Et quand on boit, on a le cœur en joie. Et quand on fait l'amour, on a l'œil, ma mignonne. Et quand on boit, on a le cœur en joie. Quand on fait l'amour, on a l'œil, on boit. Qui aime bien les garçons, la la la, qui aime bien les garçons. Y'a encore six filles à Questembert qui aime bien les garçons, la la, qui aime bien les garçons. Elles s'en vont de sur ces landes, sonnant de la musique, jouant du violon. Le temps de ma jeunesse, ma long long là, le temps de ma jeunesse ne reviendra pas. Le temps de ma jeunesse, ma long long là, le temps de ma jeunesse ne reviendra pas. Y'a que 5 filles à Questembert, la la, qui aime bien les garçons, la la la, qui aime bien les garçons. Y'a comme 5 filles à Questembert qui aime bien les garçons, la la, qui aime bien les garçons. Elles s'en vont de sur ces landes, sonnant de la musique, jouant du violon. Le temps de ma jeunesse, ma long long là, le temps de ma jeunesse ne reviendra pas. Le temps de ma jeunesse, ma long long là, le temps de ma jeunesse ne reviendra pas. Ça fait bien 3 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 3 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 3 ans qu'il voulait charruer. Ça fait bien 3 ans qu'il voulait charruer. Jamais ne pouvait tenir ma charrue. Reviens donc, Yom, ton père est venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Reviens donc, Yom, ton père est venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Ça fait bien 3 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 3 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 3 ans qu'il voulait charruer. Ça fait bien 3 ans qu'il voulait charruer. Jamais ne pouvait tenir ma charrue. Reviens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Reviens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Ça fait bien 2 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 2 ans, je voulais charruer. Ça fait bien 2 ans qu'il voulait charruer. Ça fait bien 2 ans qu'il voulait charruer. Jamais ne pouvait tenir ma charrue. Reviens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Viens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Ça fait bien un an, je voulais charruer. Ça fait bien un an, je voulais charruer. Ça fait bien un an qu'il voulait charruer. Ça fait bien un an qu'il voulait charruer. Jamais ne pouvait tenir ma charrure. Viens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Viens donc, Yom, ton père est venu, venu. Ta mère t'y cherche, tu seras battu. Battu, battu, battu, battu, battu.